السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Qu'est-ce qui nous résume le cours passé ? Andaman. Fadal. طيب، تحدثنا في الدرس السابق عن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وحواضنه. La semaine passée, nous avons parlé de celles qui ont allaité le prophète صلى الله عليه وسلم, puis de ses nourrices sèches, de ses nourrices sèches, c'est-à-dire celles qui l'ont gardé sans l'allaiter. Car par moment, dans la langue française, la femme est appelée nourrice, et ça englobe le sens de celle qui garde l'enfant, mais également de celle qui l'allaite par la même occasion. Et lorsque nous avons cité la nourrice ou les nourrices, j'entendais par cela celles qui l'ont gardée sans pour autant l'avoir allaitée. Qui sont celles qui ont allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Naam. Amina. Halima. Wa Thuwayba. Wa Thuwayba. Qui était Thuwayba? Qui était Thuwayba? Mawlatu ammi nabi sallallahu alayhi wa sallam Abi Lahab. Qad arda'at an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa ghayrahu. Man? Thuwayba a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle a également allaité d'autres personnes connues. Qui sont-ils? Naam Yanis. Abu Salama, barakallahu fik, et Hamza. Abdurrahman. Qui était Hamza ibn Abdil Muttalib? Qui était Hamza radiallahu anhu? Le frère de l'aide du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais encore son oncle. Jazakallahu khayran wa barakallahu fik. Naam. Et celle qui est connue pour avoir allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plus connue était Halimatu al-Sa'diyya. Elle a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a gardé combien de temps? Inda Bani Sa'd. Elle l'a gardé combien de temps? 4 ans. Naam. Elle l'a gardé 4 ans. Et suite à un événement majeur de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle l'a ramené à sa mère à Mecca. Lequel? Naam. Shaqqu sadri nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Quel âge avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de cela? Naam. Il avait 4 ans. Naam. Et il fut dit qu'il avait 2 ans. Mais la vie prépondérant de dire qu'il avait 4 ans, vu qu'il était sorti avec El Ranam, avec les moutons et autres. Par la suite, elle l'a ramené à sa mère. Par la suite, elle l'a ramené à sa mère. On a également parlé des nourrices sèches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme qui? Indama. Naam. Comment? Amina. Et Anis, celles qui l'ont gardée sans la voir à l'été. Al-Shayma. Qui était Shaima? La fille de Halimatu Sa'diya. La fille de Halimatu Sa'diya. Elle a embrassé l'islam par la suite. Radiallahu anha. Une femme très connue. Indaman. Comment? Ummu Ayman. Jazakallahu khayran. Hadi kunyatuha, fama smuha. Ceci est sa kunya. Quel était son prénom? Barakatul Habashiya. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a accordé beaucoup de respect et beaucoup d'importance. Et lors du décès de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, naam, c'est elle qui est revenue avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à le remettre à ses proches. Non. On reprend les vers. Alhamdulillah al-Qadim al-Bari. ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة موجزة الفصول موليده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشر في يوم الاثنين طلوع فجر ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حان وبعد عامين غادى فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت فبعد شهر انشقاق بطنه وقيل بعد أربع من سنه. Donc nous sommes arrêtés à ce passage. وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن وفاة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ici l'auteur nous parle d'un grand événement dans la vie du prophète صلى الله عليه وسلم, qui est le décès de sa mère. Il nous dit: et après 6, suite au mois qui a suivi, Wafatu ummihi ala al-abwa'i, le décès de sa mère dans un endroit qu'on appelle al-abwa, où se trouve al-abwa, bayna Makkata wal-Madina. Bayna Makkata wal-Madina. Al-abwa est un endroit qui se situe entre Mecca et al-Madina. Elle est partie visiter des membres de sa famille, car les oncles paternels du prophète sallallahu alayhi wa sallam habitaient à Médine. Et suite à ce voyage, elle décéda. Suite à ce voyage, elle décéda. Et les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, akhwaluhu, ou bien akhwaluha, on peut dire directement ses oncles paternels à elle, donc du côté de la famille de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Bani Adi. Naam. Donc les gens de cette tribu sont des gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bani Adjar, qui habitait à Al-Madina. Wahum aqaribu Bani Hashim. Parce que Hashim, un des ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors d'un voyage en passant par Al-Madina, a épousé une femme de Médine. A épousé une femme de Médine qui se nomme Salma. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu de la famille à Médine. Et dans le recueil de l'imam muslim, lors de l'ouverture de la Mecque, lors de Fath Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en chemin, a dit aux compagnons: dounakum, makanakum, leur a dit: restez dans cet endroit et attendez-moi. Il est parti, s'est éloigné quelque peu, puis est revenu. Naam, le visage bouleversé et attristé. Naam. Puis on lui a demandé, que t'arrive-t-il au messager d'Allah? Que t'arrive-t-il au messager d'Allah? Sallallahu alayhi wa sallam. Il a répondu, ista'dhantu rabbi fi ziyarati qabri ummi fa'adhina li bidhalik. J'ai demandé la permission à mon Seigneur de visiter la tombe de ma mère et il m'a accordé cela. Et il m'a accordé cela. Wasta'dhantuhu fi shafa'ati laha falam ya'dhan li bidhalik. Et je lui ai demandé la permission d'intercéder en sa faveur, mais il ne me l'a pas permis. Fabaka sallallahu alayhi wa sallam shafaqatan alayha wa abka man hawlahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc fondu en larmes et il a fait pleurer tous ceux qui étaient autour de lui. Et dans ce hadith, on ne cite pas l'endroit exact, mais dans d'autres textes, cela nous est relaté. Donc, lors de son retour de ce voyage à Médine pour aller visiter sa famille, ses oncles paternels, sur le retour, elle est décédée dans un endroit qui se nomme El Abwa, entre Mecca et El Madina. À ce moment-là, comme l'auteur nous dit, wa ba'da sittin ma'a shahrin ja'i, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 6 ans. Lorsque sa mère est décédée, il avait 6 ans. Donc nous avons déjà cité que son père, sallallahu alayhi wa sallam, est décédé alors qu'il était dans le ventre de sa mère avant sa naissance. Naam. Et on voit ici que sa mère est décédée lorsqu'il avait quel âge? Lorsqu'il avait 6 ans. فَبَلَغَ حِنَئِبْ أَعْلَى دَرَجَةِ الْيُتْمِ. Donc à ce moment-là, à 6 ans, il a atteint le plus haut degré, naam, des orphelins. L'orphelin est celui qui perd son père avant la puberté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dépassé ce stade-là, car avant même sa naissance, il a perdu son père. Au moment où tu as le plus besoin de sa présence, de ses dépenses, naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu son père. Puis au moment où il commence à atteindre l'âge du discernement, il perd sa mère. Il perd sa mère. Et dans cela, il y a une tasliya, il y a une consolation pour tout orphelin, pour toute personne ayant perdu son père étant enfant, toute personne ayant grandi sans père, et pour toute personne ayant grandi sans sa mère. Car à 6 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est séparé de sa mère. Naam. Et ô combien est grande cette épreuve. Mais lorsque tu te rappelles la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, naam, il y a dans cela une consolation. Et les savants nous disent, il n'y a pas une affaire qui te touche, un malheur qui te touche, sans que tu ne trouves dans les histoires des prophètes une consolation. Une consolation. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala, avec tout cela l'a éduqué, l'a préservé. Et de là tu comprends l'erreur de celui qui justifie ses mauvaises actions, son égarement et son éloignement de la religion par le fait qu'il n'a pas grandi avec une autorité du père ou avec la douceur d'une mère. هذا رسول رب العالمين وخاتم الأنبياء أجمعين ومع ذلك نشأ يتيما نشأ يتيما وهو سيد العالمين. Ne vois-tu pas ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a perdu son père avant la naissance, puis sa mère avant l'âge du discernement, pas avant l'âge de la puberté, avant même l'âge du discernement, avant 7 ans. Et Allah azza wa jalla l'éduque, le préserve, le guide. Et il devient l'élite des hommes, le meilleur de ceux qui ont marché sur la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et un des savants nous dit, il a perdu son père, et quel est le premier mot que prononce l'enfant en général? Hein? Papa ou Abi, avant même maman. Est-ce une ingratitude ou la facilité de du makhraj, de la sortie de ces mots-là? Hein? Mais malgré le fait que ce soit la mère qui porte l'enfant, qui souffre, qui l'enfante, qui l'allaite, qui se lève, qui a plus de rahma, l'enfant commence par le père. Walhamdulillah, ala kulli hal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, n'a pas eu cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, n'a pas eu cela. Mais la première chose à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a éduqué est le fait de dire Allah, Allah. Il n'a pas son père. Lorsque toi tu as un problème étant petit, tu cours vers qui? Hein? Tu cours vers qui s'il y a un problème? Tu cours vers ton père, sahih? Si tu ne trouves pas ton père, parce que ton grand frère t'a opprimé ou autre, tu cours vers qui? Vers la deuxième force dans la maison, qui est la mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait un problème, il ne courait pas vers son père qui n'était pas présent. Il ne courait pas vers sa mère car elle était décédée, mais il levait les mains vers Al-Hayy Al-Qayyum, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une éducation d'Allah tabaraka wa ta'ala pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Depuis son plus jeune âge, depuis son enfance, lorsqu'il a besoin d'une chose, lorsqu'il est dans un problème, son cœur se dirige vers où? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'est pas égal, celui, ne sont pas égaux, ceux qui, lorsqu'ils ont un problème, se dirigent vers des créatures, et ceux qui, lorsqu'ils ont un problème, se dirigent vers le Créateur. Et cela, depuis sa plus tendre enfance. Et cela, depuis sa plus grande enfance. Donc Allah Azza wa Jalla l'a préservé, et Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a éduqué, et Allah Subhanahu wa Ta'ala lui a mis des causes sur son chemin pour qu'il complète le tawhid, et pour que ce soit une consolation pour toute personne qui subira les mêmes épreuves après lui, sallallahu alayhi wa sallam. Si Allah tabaraka wa ta'ala te préserve, même si tu n'as pas reçu l'éducation d'un père, ou même si tu n'as pas reçu la miséricorde d'une mère, sache que tu seras sur le bon chemin. Et si Allah azza wa jalla n'écrit pas, une personne l'a guidé. Na'am. Même s'il est issu d'une famille de prophètes et de messagers, Na'am, il n'obtiendra pas la guidée à l'image du fils de Nuh, alayhi salam. À l'image du fils de Nuh, alayhi salam. Na'am. Suite au décès de sa mère, Ummu Ayman, qui était avec elle, a recueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est elle qui l'a ramené à Mecca. Pour le confier à qui? Hein? Jazakallahu khayran. Pour le confier à Abdul Muttalib, qui est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وجده للأب عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala nous parle du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son grand-père est, comme nous l'avons déjà cité, Abd al-Muttalib. Et c'était le plus noble des Arabes de son époque et de sa tribu. وَجَدُّهُ لِلْأَبِّ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ. Et son grand-père, de son côté paternel, est عبد المطلب. C'est la traduction du verbe. بَعْدَ ثَمَانٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ كَذِبٍ. Après 8 ans, il est décédé sans mensonge. C'est cet avis-là qui est l'avis véridique. Après 8 ans, c'est-à-dire après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut atteint l'âge de 8 ans, son grand-père, qui l'avait recueilli suite au décès de sa mère, donc de quel âge à quel âge, pendant combien de temps? Donc nous avons dit de 6 ans à 8 ans, ce qui fait 2 ans. Pendant 2 ans, il est resté auprès de son grand-père, Abdul Muttalib. Pendant 2 ans, il est resté près de son grand-père, auprès de son grand-père, Abdul Muttalib. Il décéda lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 8 ans. وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ Et ceci est l'avis de la plupart des savants. Ibn Hisham, rahimahullah ta'ala, ce grand historien nous dit, à 8 ans et 2 mois et 10 jours. À 8 ans, 2 mois et 10 jours, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda. Puis l'auteur nous dit, ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام ثم إلى الشام رحل ثم أبو طالب ensuite, c'est-à-dire après Abdul Muttalib, suite au décès de Abdul Muttalib, qui est-ce qui l'a recueilli? C'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Abu Talib. C'est son oncle paternel. C'est le frère du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Awsa bihi amadha qabla wafatihi Abdul Muttalib. Comment cela s'est produit? C'est que avant le décès de Abdul Muttalib, Abdul Muttalib a confié et a fait une wasiya, une recommandation à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Et il lui a dit de se charger, après son décès, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du fait que c'est le frère de son père. فَنَصَرَهُ وَأَحْسَنَ كَفَالَتَهُ Abu Talib l'a recueilli de la meilleure façon. Bel kana yuqaddimuhu ala awladi. Il lui accordait prépondérance à son propre enfant. Il le faisait devancer sur ses propres enfants. Na'am. Ils étaient égaux entre eux et ne faisaient pas de différence entre eux, si ce n'est lorsqu'il donnait, yani lorsqu'il préférait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et lui accordait encore plus d'affection et d'attention, sallallahu alayhi wa sallam. Puis lorsqu'il a grandi, il n'a cessé d'être à ses côtés. Après même al-bi'tha, la révélation, alors qu'il n'a pas cru, il ne s'est pas converti. Malgré cela, il l'a secouru. Malgré cela, il l'a aidé, il l'a défendu. Et il a juré que personne ne pourra se saisir de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tant qu'il sera en vie. Et il a honoré son serment. Malgré cela, baqiya ala shirki. Malgré cela, il est resté dans le polythéisme. Et il est resté sur la voie de ses ancêtres. Et il a fait énormément de bien au prophète sallallahu alayhi wa sallam bi'idhnillahi azza wa jal. Lorsqu'il subissait les nuisances, il les subissait avec lui. Et lorsqu'on tentait de lui faire du mal, il faisait tout pour le défendre et pour repousser le mal de lui, quitte à le recevoir à sa place. Et lorsqu'ils ont reçu Al-Hisar, le blocus, et un embargo économique, Abu Talib a supporté cela avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus se plaindre à de nombreuses reprises à son oncle. Et ils lui ont dit, voilà ton neveu qui insulte nos ancêtres, dénigre nos divinités. Ne vas-tu pas agir et faire quelque chose? S'il cherche la royauté, nous lui accorderons. S'il cherche les femmes, nous lui accorderons. S'il cherche le pouvoir, on lui donnera. Et ainsi de suite. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce dernier a refusé de sortir du chemin sur lequel Allah tabaraka wa ta'ala l'avait mis. Et le chemin qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui ordonnait. Et il n'a cessé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de multiplier les efforts pour orienter son oncle vers la vérité et vers le tawhid jusqu'au dernier souffle de Abu Talib. Jusqu'au dernier souffle de Abu Talib. Et lorsqu'il était sur son lit de mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a saisi la dernière occasion. Et il est venu le voir. Il y avait auprès de lui plusieurs personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, comme c'est connu dans le hadith, عند البخاري يا عم قل لا إله إلا الله. Oh mon oncle, il a utilisé la meilleure manière de faire da'wah. Il a réuni l'excellence dans la da'wah. Il l'a appelé ya am pour l'adoucir, pour lui rappeler les liens de parenté, pour lui montrer qu'il veut son bien, que c'est son neveu, qu'il lui est reconnaissant de ce qu'il a avancé pour lui. Ya am. Puis il l'a appelé à la meilleure parole, au prêche des prophètes et des anbiya de tawhid. Et il lui a dit, qu'il la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. Nulle divinité n'est véritablement digne d'être adorée excepté Allah. Kalima, une seule parole, une seule phrase. Uhajju laka biha indallah. Avec laquelle pour toi je pourrai intercéder chez Allah. Mais il y avait auprès de lui des gens qui lui disaient, atarrabu an millati Abdul Muttalib. Vas-tu t'éloigner de la voie de tes ancêtres, de Abdul Muttalib? Donc du polythéisme, de l'adoration de Lat et l'Uzza, et de demander à Shafa'a à ses divinités, et de les prendre en tant qu'intermédiaire entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne désespérait pas de le voir guider dans cet instant. Et il lui disait, ya am, qul la ilaha illallah. Il lui faisait da'wa, il l'appelait à l'islam, il lui disait de prononcer la parole du tawhid. Mais son assise lui répétait la même chose. Atarrabu an millati Abdul Muttalib. Vas-tu sortir de la voie de tes ancêtres? Au final, son oncle a dit, ala millati Abdul Muttalib. Je reste sur la voie de mes ancêtres, sur la voie de Abdul Muttalib dans le polythéisme. Wa mata ala dhalik. Wa mata ala dhalik. Il est décédé sur cela. Il est décédé sur cela. Fa'anzal Allah subhanahu wa ta'ala, تصلية لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الله عز وجل pour le consoler a révélé, certes tu ne guides pas qui tu aimes, qui tu aimes voir guider, certes tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est plutôt Allah qui guide qui il veut, mais c'est plutôt Allah qui guide plutôt qui il veut. Et ça, c'est une leçon de tawhid. Ça, c'est une leçon de tawhid. Si les personnes les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont fourni le plus d'efforts pour le préserver, l'éduquer, l'élever, le défendre, dans l'aisance et dans la difficulté, si pour eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu faire ce qu'il voulait, à plus forte raison, ceux qui ont un niveau moindre que le sien, ceux qui ont un niveau moindre que le sien, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses les plus étonnantes, c'est qu'il y avait dans cette assise des gens qui n'avaient pas ce lien de parenté direct avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant Allah les a guidés à l'islam par la suite. Allahu Akbar. Son propre oncle n'a pas unifié Allah tabaraka wa ta'ala, mais certaines personnes qui étaient présentes dans cette assise par la suite se sont converties à l'islam. Tout cela pour qu'on sache que la guidée, hidayatu at-tawfiq wal-ilham biyadillahi wahdahu la sharika lah. Afin que nous sachions tous que la guidée des cœurs et le fait de te maintenir sur la vérité n'est qu'entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Talib al-Qurashi, Abu Talib, le noble des Arabes, n'a pas eu la foi et n'a pas cru en Allah azza wa jalla al-iman al-nafi' al-tawhid. Il n'a pas eu cela. Il n'a pas eu cela. Et Bilal al-Habashi a eu cela. Et Bilal al-Habashi a eu cela. Et Suhaib al-Rumi a eu cela. Et au jour d'aujourd'hui, on est dans des assises où on voit des Vietnamiens, où on voit des Argentins, où on voit des Français et autres. فَالْهِدَايَةُ بِيَدِ اللَّهِ La guidée, elle est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont rejeté, par la suite, c'est en Afrique qu'ils ont eu l'imam. C'est en Afrique qu'ils ont eu l'imam. C'est en Afrique qu'ils ont secouru ce din et qu'ils ont accueilli le sahaba et qu'ils ont défendu le sahaba et qu'ils ont accepté ce din. Al-Islam, al-Islam, dinun ursila ila al-alam. L'islam, c'est une religion qui a été envoyée pour l'ensemble des mondes. C'est pas une religion selon la langue, selon la couleur, selon l'origine. C'est la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui se soumet à Allah tabaraka wa ta'ala et qui l'adore d'un culte sincère, il a un lien avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui se soumet pas avec Allah, à Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui ne se soumet pas à Allah tabaraka wa ta'ala avec le monothéisme pur dans l'adoration, il n'a pas le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, même si fût-il le proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une leçon, on doit la comprendre, on doit l'assimiler. Ça c'est une leçon, on doit la comprendre, on doit l'assimiler. Ton lien chez Allah tabaraka wa ta'ala est en fonction de ta science et ta mise en pratique de cette science. En fonction de la transmission de cette science et en fonction de ton endurance dans cela, dans tout cela. Dans l'ilm, l'amal, da'wa. Na'am. Walhamdulillahi rabbil alamin. Par la suite, comme Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'astaghfiranna lak. Assurément, j'invoquerai le pardon d'Allah pour toi. C'est-à-dire Abu Talib. Ma lam unha ad. Tant qu'on ne m'interdira pas cela. C'est-à-dire qu'en tant qu'Allah azza wa jal ne m'interdira pas cela. Regarde ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fait pas jouer les sentiments devant les textes. Na'am. Celui qui est converti. Il peut passer par des épreuves difficiles. Pourquoi? Parce que dans sa famille, il y a des croyants. Et dans sa famille, il y a des non-croyants. Na'am. Et lorsqu'il est amené par moment à faire des choix, il peut être touché par l'atifa, par les sentiments. Na'am. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré quel était le juste milieu. Faire tout son possible pour accorder ou pour montrer le bon chemin. Na'am. Sans outrepasser les limites. Sans transgresser les limites. Ma lam unha an. Tant qu'on ne m'interdira pas cela. Tant qu'on ne m'interdira pas cela. Et par la suite, suite à son décès, l'Abbas, l'Abbas, radiallahu anhu, un des oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est son frère qui est décédé, Abu Talib. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Hal nafa'ta Abu Talibin bi shay ?» Est-ce que tu as pu être profitable à Abu Talib en quoi que ce soit? « Fa'innahu kana yahutuk » Assurément, il t'aidait, il te défendait, « wa yardibulak » »« wa yardibulak » Et il se met en colère pour toi, pour ta cause. Na'am, il se met en colère pour ta cause. « Qala na'am » Là où la Anna, le prophète sallam a dit oui. Nous c'était ma cause, la kanafi asfalina. Sans ma cause, il aurait été au plus profond du feu. Wahwa fi dhahdahin minan nar. Et il se trouvera où il se trouve, fi dhahdah minan nar. Et dhahdah, à la base, c'est la flaque. Voyez-vous, lorsque l'homme a ses pieds dans une flaque d'eau, na'am, l'eau s'arrête et anne à ses chevilles. Vous visualisez cette image? La personne qui a ses deux pieds et l'eau est montée jusqu'à ses chevilles. C'est ça, dahdah. Donc, il a du feu qui monte à ce niveau-là. Dahdah minan nar. Il a du feu qui monte à ce niveau-là. Dans l'autre hadith, de la braise sous la plante des pieds, qui fait bouillonner son cerveau. Et la perse, et c'est celui qui souffrira le moins en enfer, et il pensera à subir le plus grand châtiment. Donc, ça c'est une shafa'a qui est propre à Abu Talib. Sinon, il n'y a pas de shafa'a pour celui qui n'est pas décédé sur la ilaha illallah. Ya Rasulallah, man as'ad an-nas, man as'ad an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Celui qui dit la ilaha illallah recherchant par cela le visage d'Allah. Il dit cela avec ikhlas. Sans ça tu ne peux recevoir al-shafa'a. Et Ali ibn Abi Talib, c'est son père qui est décédé ici. Abu Talib est le père de Ali ibn Abi Talib, son cousin رضي الله عنه. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: qu'as-tu donc fait pour un cheikh Ibbal, la personne âgée qui était égarée, en parlant de son père? Il lui a dit: inna cheikh Ibbal qad mat. Il lui a dit: la personne âgée égarée est bel et bien décédée. Puis il a ordonné à ce qu'il soit enterré. Et Abu Talib a tellement fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahaba ont témoigné de cela, ont vécu cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en premier lieu. À un point tel que même les sahaba espéraient l'islam d'Abu Talib. Et la plus belle histoire qui nous montre cela est la qissa de la conversion du père de Abu Bakr. Naam, Abu Quhafa. Sa kunya est Abu Quhafa. Et il se nomme Othman. Abu Bakr, c'est la kunya de Abu Bakr. Ça, il est connu sous sa kunya. Et son prénom, c'est Abdullah. Son père également est connu sous sa kunya. Il se nomme Abu Quhafa. Et son prénom, c'est Othman. Donc, qui est Abdullah ibn Othman? C'est Abu Bakr al-Siddiq. Abu Bakr al-Siddiq se nomme Abdullah ibn Othman. Naam. Radiallahu anhuma. La meilleure des familles chez Sahaba, radiallahu anhum. Écoutez cette histoire bouleversante. Fi am al-fath, fi fath Makkah, lors de l'ouverture de la Mecque, le père de Abu Bakr avait atteint un âge très avancé. Et il était proche de la cécité, il était pratiquement aveugle. Il était avec une fille de sa famille lors de l'ouverture de la Mecque. Et il a dit: que vois-tu au loin? C'était un homme d'expérience, il était âgé. Elle lui a dit: je vois Mada. Comme un tourbillon, comme, vous voyez, quand, lorsque les chevaux galopent, lorsque le sable se soulève, elle lui a dit: je vois cela. Et elle lui a décrit la scène. De par son expérience, il lui a décrit ce qui se passait. Puis, il lui a dit de l'emmener en sécurité dans tel endroit. Par la suite, le prophète sallam a pris la Mecque. Et il a dit: celui qui entre dans la maison d'Abu Sofiane sera ami. Celui qui. Plus tard, Abu Bakr est venu avec son père auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il embrasse l'islam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il avait les cheveux blancs, il avait presque perdu la vue. Il avait la barbe blanche, les cheveux blancs, il avait presque perdu la vue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ya Abu Bakr, halan abqaytahu inda fa ataina nahn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré, yani lui a fait da'wa avec son comportement. Il lui a dit: Ya Abu Bakr, pourquoi n'as-tu pas laissé cette personne âgée chez elle afin que nous déplacions vers elle? Ça, c'est l'excellence dans le comportement avec les personnes âgées et l'excellence dans la da'wa. Quel sera l'état de ton cœur alors que le messager d'Allah, du Seigneur des mondes, le meilleur des hommes et des messagers, tu l'entends dire ça de toi? Et Ali, ça n'est pas à toi de te déplacer vers moi, c'est toi qui méritais que je vienne vers toi. Sans aucun doute, ta poitrine, elle va s'ouvrir. Sans aucun doute, ta poitrine, elle va s'ouvrir au bien et aux paroles de cet homme qui a la meilleure éducation et les plus belles paroles. Puis, il l'a invité à l'islam. Et Abu Quhafa a dit: ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Abu Quhafa, après avoir atteint un âge très avancé, a dit: j'atteste et je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée excepté Allah. Et j'atteste et je témoigne que tu es le messager d'Allah. Il s'est converti à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: changez la couleur de ses cheveux et à éteigner ses cheveux avec du henné et autres. Naam, et une sunna pour celui dont les cheveux et la barbe sont devenus blancs. Puis, baka Abu Bakr. À ce moment-là, Abu Bakr s'est mis à pleurer. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بك ما يبكيك Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, que t'arrive-t-il? Pourquoi est-ce que tu pleures? Écoutez la réponse de ceux qui ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un véritable amour. Et pourtant, ils n'ont pas fait cette bid'a qu'est le maulid. Naam, la célébration de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le font les innovateurs et soufis Yadbullah. Abu Bakr radiallahu anhu lui a dit, la antakuna yad amada ammika abi talibin fi yadik li yuslima. Il lui a dit, j'aurais tant aimé que la main de ton oncle Abu Talib soit celle qui se trouve à ce moment-là dans ta main. Makana yadi walidi, à la place de la main de mon propre père. Wa yuslim, pour qu'il se convertisse à l'islam. Fayuqirrallahu aynak. Et afin qu'Allah Azza wa Jal réjouisse ton regard de cela, ahabbu ilayk. Il lui a dit, de voir la main de ton oncle Abu Talib à la place de la main de mon père dans ta main pour qu'il embrasse l'islam, m'aurait été plus aimé que de voir mon propre père se convertir à l'islam. Afin que tu te réjouisses, ô messager d'Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Il préfère l'islam de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par ce qu'il a fait pour lui, et de par l'envie qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'islam de son propre père. La ilaha illallah. Haoulaï sahaba. Ça, c'est ceux qui ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, on est dans une époque où tu dis aux gens, qala Allah, qala Rasulullah, qala sahaba. Ils te disent, oui, mais mon père a dit, oui, mais ma mère a dit, oui, mais Cheikh a dit. Et ils font des innovations. Et ils délaissent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la parole d'égaré ou bien pour la parole d'innovateur. Inna lillahi wa inna yiraji'un. Ces gens-là, ils ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'on pourrait choisir un autre chemin que le chemin des pieux prédécesseurs? Ramenez-moi un cas semblable à notre époque. Ramenez-moi un cas où quelqu'un a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme cela. Et les exemples avec Abu Bakr sont multiples et multiples. Il aurait préféré l'islam de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'islam de son propre père après sa conversion. Radiallahu an Abi Bakr al-Siddiq al-Akbar. Qu'Allah agrée Abu Bakr, le plus grand véridique de la communauté après les prophètes et les messagers. De tout cela, on tire une grande faïda. Il y en a plusieurs, mais on en cite une. Al-Hidayatu biyadillah. La guidée est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'da ya ibadi innakum dallun. Kullukum dallun. Fastahduni ahdikum. Ô vous, mes serviteurs, vous êtes tous égarés. Demandez-moi donc de vous guider, je vous accorderai la guider. Donc l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a recueilli par la suite. Khidmatuhu ou khidmatahu thumma illa shamirahal. Par la suite, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint la 12e année de sa vie, naam, donc il a été recueilli à quel âge? Par son oncle Abu Talib. À 8 ans. D'accord? Et à 12 ans, il a fait son premier voyage au Sham. Il a fait son premier voyage au Sham. L'auteur nous dit ensuite, et cela après sa 12e année. Tous ces chiffres font référence à quoi à chaque fois? À l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour maîtriser les étapes, les grandes étapes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te faut les noter sous ces grands événements. Tu notes que 6 mois avant sa naissance, environ avant sa naissance, son père est décédé. Tu notes que Halima l'a pris pour l'allaiter. Tu notes qu'à 4 ans, elle l'a ramené. Tu notes qu'à 6 ans, sa mère est décédée. Tu notes que son grand-père l'a recueilli. Et qu'à 8 ans, il est décédé. Tu notes que Abu Talib l'a recueilli. Et qu'à 12 ans, il a voyagé avec lui, Fisham. Naam. En deux lignes, tu retiens cela. En deux lignes, tu retiens cela. Plus tu développes. Donc tu fais un résumé que tu mémorises par cœur. Que tu es capable de compter à une personne. Naam. Et tu développes dans un autre cahier. Et tu développes dans un autre cahier ce qui se passe entre ces différentes étapes. Et dans cela, il n'y a aucune perte de temps. Au contraire, c'est la base du din. Ça fait partie de l'usul al-thalath. Ça fait partie de l'usul al-thalath. Et Abdelghani al-Maqdisi, il a écrit quoi par exemple? Un des livres les plus connus, un recueil de hadith. Après peut-être Al-Arba'in Nawawiyah, le plus connu qu'on mémorise ensuite. Hein? Umdatul Ahkam. Naam. Il a écrit Mukhtasar al-Sirah. Il a écrit un livre de Sirah qui s'appelle Mukhtasar al-Sirah. Un homme, parmi ses élèves, a rencontré un moine ou une personne semblable. Cette personne lui était venue pour lui demander quelque chose. Et il lui a dit, avant ça, je vais te poser une question. Hadithni an nabiyik. Il lui a dit, est-ce que tu t'affilies à une religion? T'as une religion? Il lui a dit, naam. Il lui a dit laquelle? Il lui a dit l'islam. Il lui a dit, hadithni an nabiyikum. Il lui a dit, parle-moi de votre prophète. Et l'homme n'a pas été capable. Il n'a pas été capable de lui parler de la sira, de lui parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'homme lui a dit, tu ne connais même pas l'histoire de ton prophète? Il lui a dit, va-t'en. Cet homme est parti voir Abdelghani al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala. Et il lui a dit, enseigne-moi de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il lui a dit, il s'appelle Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, il est né à la Mecque. Il a fait la Jira al-Medina et il lui a cité des grands livres. Cet homme est reparti voir le premier et il a commencé à lui raconter. Il lui a dit, non, cela ne vient pas de toi. Cela vient de ton shir. Il lui a dit, ça ne vient pas de toi. Ça vient de ton shir. D'où l'ami Ali. Il lui a dit, montre-le-moi. Alors il l'a ramené à qui? Abdelghani al-Maqdisi al-Al. Rahimahullah ta'ala. Puis Abdelghani al-Maqdisi lui a fait un cours de sira. Il lui a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit qui il était, il lui a dit ses qualités. Savez-vous ce qu'a fait ce point? Il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Il s'est converti à l'islam. Quand il a entendu la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ses qualités, et quand il a vu combien les musulmans lui accordaient de l'importance au point de connaître sa sirah de cette manière, il a su que c'était la vérité. Que c'était le messager et l'envoyé d'Allah tabaraka wa ta'ala, il a embrassé l'islam. Tout ça pour vous dire qu'il ne nous convient pas de dire Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puis par la suite de ne pas être capable de dire quelques mots pour résumer qui était cet homme, quelle année est-il né, où et les grandes étapes de sa vie. Hada muhimmun jiddan. Ça, ceci est très très très important. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc à 12 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son premier voyage avec son oncle Abu Talib au Sham. Pourquoi est-ce que Abu Talib a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec lui? Les savants ont dit li tamam lutfihi, de par la perfection de sa douceur et de sa bienfaisance envers lui, il n'a pas voulu le laisser à la Mecque sans savoir qu'il y avait une personne apte à s'en occuper comme lui le ferait. Regardez, subhanallah, laissa bi muslim. Laissa bi muslim, lakin yahtam bi amri tarbiya. Naam wal hifad. Regardez l'importance de la tarbiya. Tu as quelque chose à faire et tu as tes enfants à garder. Tu te dis, je vais laisser mes enfants dans tel endroit ou à telle personne pour aller faire telle chose qui est peut-être importante. Est-ce qu'il suffit d'avoir une chose importante à faire pour déposer ses enfants à n'importe qui? Non. Si tu n'as pas une personne apte à recevoir ce dépôt, ce trésor et plus encore, tu annules ce que tu as à faire. Tu annules tout ce que tu as à faire et tu t'occupes de tes enfants. Et tu gardes tes enfants. Naam. Comment est-ce que l'un d'entre nous dépose ses enfants à des personnes qui ne savent même pas s'occuper d'elles-mêmes? Comment l'un d'entre nous dépose ses enfants? Naam. Dans des garderies ou autres, où ces gens-là ont abandonné leurs propres enfants? Comment l'un d'entre nous dépose ses enfants du matin au soir chez des étrangers et ils ne savent même pas ce qu'ils font chez eux et ce qu'ils leur donnent à manger? Naam. Pour quelques sous? Pour quelques sous, tu laisses ton enfant? Allahu a'lam chez qui? Allahu a'lam dans quelles conditions? Allahu a'lam ce qu'il va entendre, voir, manger, boire. Pourquoi? Pour aller chercher de l'argent. Pourquoi? Pour aller faire du sport, ou pour aller jouer, ou pour aller manger, ou pour aller. Certaines personnes de nos jours sortent le soir. Naam, sortent le soir et elles déposent leurs enfants chez des personnes égales. Et quand tu lui demandes, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Elle répond, pour aller manger. La hawla wa la quwwata illa billah. Nos enfants n'ont pas plus de valeur qu'un plat. Nos enfants n'ont pas plus de valeur qu'un restaurant. Wallahi thumma wallah. Toute notre vie, on ne va pas au restaurant. Toute notre vie, on ne mange pas dehors et on garde nos enfants et on éduque nos enfants. Tes enfants, c'est ton paradis. Tes enfants, c'est un bout de toi, c'est ton sang. Comment tu jettes tes enfants dans des endroits? Hein? Comment est-ce que tu jettes tes enfants dans des endroits? Allahu a'lam ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient. Naam. Et ensuite, il récupère son enfant. Son enfant ne sait même pas que c'est lui son père. Ne sait même pas que c'est elle sa mère. Elle pense que sa nourrice, c'est elle sa mère. C'est elle sa mère. C'est elle qui l'éduque. C'est pas avec l'argent seulement que tu éduques tes enfants. Il n'y a pas d'excuse. Argent ou autre, il n'y a pas d'excuse. Wa min huna. Et à partir de là, le prophète sallam nous a enjoint de choisir les femmes pieuses pour les épouser. Tu prends une femme qui va te donner des enfants pieux. Naam. Alors que son physique et son visage te répugnent tellement que tu n'arrives pas à la regarder, c'est meilleur pour toi que d'avoir la femme qui te plaît au point de te faire perdre la raison et qui délaisse l'éducation de tes enfants. Mais au jour d'aujourd'hui, combien sont ceux qui se marient sans penser aux enfants? Ils se marient sans penser à l'éducation de ses enfants. Et ils préfèrent sortir avec ses amis. Et ils préfèrent payer pour qu'on donne à manger à ses enfants plutôt que d'entendre que son enfant yahfadhu umm al-kitab al-fatiha qul huwallahu ahad thuluth al-qur'an ayatul kursi a'zamu ayatin fi kitabillah. Hein? Tu gardes tes enfants, ils vont connaître al-fatiha. La femme, elle garde ses enfants, ils vont connaître qul huwallahu ahad ala khairun min ad-dunya wa ma fiha. Tu gardes tes enfants et ensuite tu rentres. Naam. Et tu interroges tes enfants. Et tu lui dis, man rabbuk? Et il répond, Rabbi Allah. Wallahi, ça c'est meilleur pour nous que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Et tu questionnes ton enfant, tu lui dis, man nabiyuk? Et il te dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Et tu lui dis, ma dinuk? Il te dit, l'islam. Ça c'est meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Et il fut dit, al-a'mash. Et cette faïda, je l'ai écoutée hier de mon cher décédé, rahimahullahu ta'ala, Fahd al-Sulayman al-Adani, rahimahullahu ta'ala. Il cite cette histoire. Et je l'ai entendu de lui, il dit, Kan al-A'mash, al-Imam, al-A'mash, Kan yajlisu ila sirar, wa yuqri'uhum al-Qur'an. وَيُقْرِئُمُ الْقُرْآنِ. L'imam al-A'mash, c'est un des grands savants du hadith. et un des grands savants dans beaucoup de matières, dans la langue arabe et autres, il s'asseyait avec les enfants. Imaginez que dans les Algéco, il y a Cheikh Saleh Al-Fawzan. Naam. Et Ali, parmi les plus grands savants qu'on connaît, Cheikh Abdel Mohsin, Cheikh Rabi', autre, ou autre. Naam. Et qu'il soit assis dans cette pièce-là, avec Abdurrahman, avec Yanis, avec Fulan ou Allan, avec Abdullah, avec Ismaïl, et ainsi de suite. Naam. Et nous, on est là, et on attend le dars. Vous avez visualisé cette scène? Al-A'mash faisait cela. Il s'asseyait avec les enfants, et c'est pas nous, c'est les savants du hadith qui l'attendaient dans l'assise. Alors ils allaient le voir, ils lui disaient, ya imam, ahlul hadith mujtami'ouna fil masjid yantadiruna tahdithak. Oh imam, les savants du hadith sont réunis à la mosquée, ils t'attendent pour le hadith. Vous savez ce qu'il... Il lui disait, t'es assis avec ses enfants? Il lui répond, uskout ya ahmaq. Tais-toi, idiot. هؤلاء الصغار هؤلاء الشباب هم الذين يحفظون دينك غدا في المستقبل. Et il lui dit, tais-toi, ces enfants que tu vois, ce sont ceux qui vont préserver ta religion demain, ce sont les imams et les savants de demain. Il s'asseyait avec eux, il leur apprenait le Fatiha, s'asseyait avec eux, il leur apprenait qulu wallahu ahad, il leur apprenait du Coran. Naam. Il éduquait ses enfants là. Et regarde ici Abu Talib. Il refuse de laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca parce qu'il n'a pas quelqu'un pour le garder. Et tu trouves les deux parents qui sortent pour travailler alors qu'ils ne sont pas dans le besoin. Naam. Et il délaisse l'enfant pour qu'il soit mis dans des prisons abstraites ou pour qu'il soit confié à des étrangers. Ils font des enfants et ensuite ils les confient à droite et à gauche. Puis lorsque l'enfant atteint l'âge de la puberté, il lui dit, tu me respectes pas, je suis ton père. Tu ne me respectes pas, je suis ta mère. Il respecte qui? Il respecte sa nourrice. Parce qu'il a connu elle. Et lorsqu'il pleurait, c'est elle qui se levait. Et lorsqu'il avait mal, c'est elle qui le trouvait. Et toi, tu n'étais pas là. Et toi, tu n'étais pas là. Abu Talib n'a pas laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a voyagé avec lui, Fisham. Il a voyagé avec lui, Fisham, ma'a mashiachati Quraysh. Avec des grands de Quraysh. Et avant de continuer, les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam se divisent en trois. J'ai un doute, est-ce que nous sommes rappelés cela auparavant ou non? Les premiers, ceux qui ont cru en lui et l'ont suivi dans sa religion. À leur tête, Hamza, Sayyid al-Shuhada, istushhida yawma Uhud, radiallahu anhu. À leur tête, le meilleur de ses oncles, Hamza, qui est décédé lors de la bataille de Uhud. Et lorsque les gens vont à Al-Medina, ils visitent le cimetière de Uhud. Et il y a Hamza, radiallahu anhu. Parmi eux, il y a Al-Abbas. Parmi eux, il y a Al-Abbas. Et le prophète sallam avait une dizaine. Yani, le père du prophète sallam, Abdullah, avait une dizaine de frères. Certains sont décédés avant, et certains ont atteint, yani, sa naissance, et le bi'atha. Donc, ces deux-là ont cru en lui. Al-Abbas et Hamza. Puis, il y a ceux qui n'ont pas cru en lui, et ils l'ont combattu. Et ils l'ont combattu. Et un l'a combattu d'une manière déconcertante. Et c'est Abu Lahab. Il lui nuisait, il le combattait dans sa religion. Et son épouse s'associait à cela dans ses nuisances. Et Allah Azza wa Jalla a révélé du Coran. Et il est humilié ainsi. Il a courbé Qiyam et ça récite dans nos salawat. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. Donc Abu Lahab, qui est sa kunya. Et à la base, lorsque tu cites une kunya, c'est pour honorer la personne. Naam. Et rappelez-moi de vous demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas cité son prénom dans le Coran? Vu que de citer la kunya là-bas, c'est pour honorer la personne. Et Abu Lahab n'est pas honoré. Naam, il est humilié de par ses mauvaises actions. Et entre les deux, il y a ceux qui n'ont pas cru, mais ne l'ont pas combattu. Au contraire, ils l'ont secouru. C'est une personne qui est Abu Talib. Donc les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam se divisent en trois. Ce qu'il a connu. Ceux qui ont cru en lui et l'ont suivi dans sa religion, Hamza et Abu et Al-Abbas. Ceux qui n'ont pas cru en lui et l'ont combattu, Abu Lahab. Ceux qui n'ont pas cru en lui mais l'ont secouru, sans pour autant entrer dans sa religion, Abu Talib. Naam. Lors de ce voyage, les gens de Quraysh ont voyagé vers Al-Sham pour faire du commerce. C'est connu que Quraysh était un peuple de commerçants. Abu Talib a pris avec lui son neveu, donc avec ses grands de Quraysh, et en chemin, ils ont rencontré un moine, un rahib. Et c'est la suite des vers dans lesquels l'auteur rahimahullah ta'ala ibn Abi al-Izz, Ali ibn Ali nous dit وَكَانَ مِنْ أَمْرِي بَحِيرًا مَشْتَهَا. Et il s'est passé une chose avec Bahira. Bahira, il n'y a pas de texte. Selon ce que certains savants ont dit, il n'y a pas de texte authentique qui affirme que le nom de ce moine était Bahira, mais c'est ce qui s'est répandu et ce qui est connu entre les gens. Donc, ils sont sortis dans ce voyage et en chemin, ils avaient l'habitude de passer vers cet abri où il y avait un moine qu'on surnomme donc Bahira. Ce moine n'avait pas l'habitude de sortir vers eux. Ce moine n'avait pas l'habitude d'aller à leur rencontre. Mais ce jour-là, il est sorti à leur rencontre. Il est sorti à leur rencontre et a demandé et a cherché, c'est comme s'il cherchait quelque chose. Puis, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pris par la main et a dit « Hada Sayyidul Alamin. Hada Sayyidul Alamin. Voici le meilleur des mondes, le meilleur homme. » Alors ils lui ont dit « Wa ma ilmuka bidhalik. Comment est-ce que tu sais ça ?» Il a répondu « J'ai vu des signes. » Il a dit « J'ai vu des signes. » Il a cité certains signes. Parmi ces signes, le fait qu'il était couvert, on nous rapporte des signes. Parmi ces signes, le fait qu'il y avait durant ce voyage un nuage qui accompagnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le préserver de la chaleur et du soleil. Parmi ces signes, le fait que lorsqu'ils sont arrivés, en chemin il y avait des arbres, naam, qui se penchaient lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait et dont l'ombre convergeait vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été également cité d'autres choses. Puis Bahira a dit Man waliyu hadha al-fata, qui est le responsable de cet enfant ou de cet adolescent. Abu Talib a dit moi. Il lui a dit je te demande par Allah, fais demi-tour, rebrouche chemin et retourne avec lui d'où vous venez. Retourne avec lui à la Mecque. Il lui a dit pourquoi cela? Et il lui a dit, si Rum l'attrape, il l'assassinera. Pourquoi? Il y avait des gens du livre qui avaient reçu la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui le reconnaissaient ou bien qui étaient prédisposés à le reconnaître une fois venu. Car dans leur livre, sa description est faite. Naam, sa description est faite. Et dans les textes, sa description est faite. Comme on en citera certains, Inch'Allah Ta'ala. Puis, il n'a cessé de réitérer sa demande. Et il s'est montré très insistant. Il n'a pas cessé de demander à Abu Talib, donc le responsable du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de rebrousser chemin et de rentrer avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque afin qu'il ne soit pas assassiné. Il a réussi à le convaincre et Abu Talib a renvoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque avec certains de ses servants et certaines personnes de Quraysh, et lui a continué son chemin. Et il fut dit d'autres choses. Ce hadith-là est rapporté par certains savants, comme l'imam al-Tirmidhi et d'autres. Si ce n'est que les savants ont grandement divergé quant à l'authenticité de ce texte. Certains l'ont rejeté sévèrement. Et le plus célèbre dans cela est l'imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, qui a dit que ce texte est daif. Et il l'a même accusé de mensonge. Naam, il a même dit qu'il y a du mensonge. Car certains mots sont munkar. Comme le fait de dire qu'à sa venue, tout s'est prosterné. Les arbres, les pierres et ainsi de suite. Alors qu'il a été envoyé avec At-Tawhid. Donc il ne convient pas de se prosterner devant un prophète. À l'opposé, certains savants, comme Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, même s'il n'a pas affirmé avec détermination, mais ce qui apparaît, c'est qu'il a retenu ce hadith. Peut-être pas toutes les paroles, mais il a une base. Et beaucoup d'autres, et parmi les plus connus, parmi les contemporains, l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, a accepté ce hadith. Naam, a accepté ce hadith. Et avant lui, l'imam al-Suyuti, avant lui, al-Hakim al-Tirmidhi. Donc il y a une grande divergence. Les savants nous disent au final, ce qui apparaît, c'est que ce hadith a une base. Mais certains passages, sans aucun doute, ne sont pas authentiques. Par exemple, le fait que Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, rapporte cette qissa, alors qu'il était fil Habasha. Ou bien alors que, yani, ou bien, commençons par Bilal. On nous dit qu'on a envoyé Bilal et Abu Bakr pour rentrer avec lui. Abu Bakr n'a acheté Bilal pour l'affranchir ensuite qu'après le Bi'atha. Bilal n'était pas né à cette époque. Naam. Abu Bakr radiallahu anhu est plus jeune que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'il aurait pu faire cela à cette époque? Et Abu Moussa, sa présence ici, à Mada, son prénom, si mes souvenirs sont bons, Abdullah ibn Qais, radiallahu anhu, n'est venu et s'est converti que bien après. Donc ces passages-là ne peuvent être authentiques. Quant à l'histoire en soi et la base en soi, elle est affirmée et elle est retenue par les grands savants du hadith. Et l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, l'a relaté dans ses livres de sirah. Al-Muhim, ceci est son premier voyage vers Al-Sham. Et à deux reprises, il nous a été rapporté de sources authentiques qu'il a voyagé vers Al-Sham. Ceci est là. Première étape, ou le premier voyage. Et les gens du livre connaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers leur livre et la description qui en a été faite. Parmi ces points, Khatamun Nubuwa, le sceau de la prophétie. C'est une excroissance de chair qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre les omoplates. Naam. De la taille d'un petit œuf d'oiseau. Sa couleur était semblable à la couleur de sa peau. Et à vue d'œil, c'était semblable à une verrue. Naam. Et il a été également rapporté que ça penchait quelque peu vers la droite. Akada. Ça penchait quelque peu vers la droite. Et d'autres descriptions. Et Al-Khatam, on a beaucoup, beaucoup de hadiths qui nous montrent cela. Et dans l'histoire de Salman Al-Farisi, il avait su trois signes de la véracité des propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces trois signes, il y avait Al-Khatam. Il est venu à offrir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une sadaqa. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit aux compagnons manger et lui s'est abstenu. Et Salman al-Farisi s'est dit en lui-même, voici un signe. Puis un deuxième. Quel était le troisième signe? Il est venu derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est comme s'il voulait voir quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a descendu son vêtement et lui a dit, c'est ça que tu cherches? Alors, Salman s'est converti à l'islam. C'était le troisième signe. Donc ça, c'est un signe qui est connu chez les gens du livre. C'est un signe qui est connu chez les gens du livre. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ, c'est-à-dire le Coran, et lorsque un livre leur est venu de la part d'Allah, c'est-à-dire le Coran, مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ, qui vient certifier ce qu'ils avaient déjà avec eux, c'est-à-dire التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلِ, c'est-à-dire la Torah et les évangiles, وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. Alors qu'auparavant, les gens du livre venaient voir les gens de Quraysh et leur disaient, un prophète va apparaître, et nous, et lui, on vous combattra. Naam, nous vous combattrons. Donc ils attendaient la sortie de ce prophète. Et ils se vantaient de lui. Et ils se réjouissaient de sa sortie imminente. Mais lorsqu'il est sorti de chez Quraysh, Hassadou, ils ont été jaloux. Naam, du fait de ne pas le voir sortir parmi eux. Alors ils ne l'ont pas suivi. Alors ils ne l'ont pas suivi, bien qu'ils avaient sa description dans leur livre. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Ça c'est dans Sourate Al-Baqarah, le verset 89. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans Sourate Al-Saf, وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. Et lorsque Isa, fils de Maryam, dit, ô enfant d'Israël, je suis le messager d'Allah qui vous a été envoyé, مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ, qui vient certifier, affirmer, reconnaître ce qu'il y a auprès de nous, min at-Tawrat, comme yani Torah, wa mubashiran bi rasulin, et je vous annonce la bonne nouvelle d'un messager, ismuhu ayati min ba'di, qui viendra après moi, ismuhu Ahmed, dont le nom est Ahmed. Donc dans les livres des gens du livre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est signalé et cité sous l'appellation de Ahmed. Et le prophète sallam nous a dit nali asma'a ana Muhammad wa ana Ahmed, et il nous a informé de ces noms.